Ça, ben là, moi, je m'étais esclaffé de rire quand que j'avais vu notre président, en fait premier ministre, devrais-je dire, mais j'ai pas le goût de l'appeler monsieur, mais bon, monsieur Trudeau, Justin Trudeau, qui déclarait: Ah, ben les fonctionnaires, il ne faudra plus qu'ils utilisent la plateforme TikTok parce que là, ils peuvent être surveillés par des Chinois. C'est les premiers qui l'ont utilisé. Dès que François Legault puis Justin Trudeau se sont mis sur TikTok, supposément pour joindre la jeunesse, je leur disais ça devrait même pas être permis au Canada. Je veux dire, c'est complètement irrationnel comme comportement selon ce qu'ils nous disent. Dans le fond, je veux dire, la Chine, je veux dire, c'est pas un ennemi, là. Au contraire, c'est des sous-traitants. Donc, ils servent de prétexte. C'est un Mais en même mouvement. temps, il y a une réalité quand même d'espionnage que fait la Chine là, au niveau mondial. Est-ce qu'on les laisse faire? Ben, c'est ça, mais TikTok, c'est parce que moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en 2023, c'est comme s'ils venaient de découvrir, hein, c'est une menace. Puis là, les fonctionnaires, il ne faudrait plus qu'ils utilisent ça au cas où qu'ils dévoilent l'information sensible. Mais pourquoi qu'il a pas agi dès le départ quand ces plateformes-là sont apparues, que ce soit TikTok, il y en a d'autres aussi, là? Le véritable danger de TikTok est au niveau neurologique par rapport à la jeunesse. Les Chinois sont en train de servir de sous-traitants pour fabriquer des imbéciles puis des crétins. Il est là le danger. Il n'y a pas rapport avec l'espionnage, le danger. C'est Ben, moi, déjà des moi, je le vois à sous-traitants. plusieurs niveaux. C'est-à-dire que il y a un volet espionnage réel, là, tu sais, dans le sens que s'il y a des logiciels espions qui font la capture de toutes les informations qui sont diffusées, là, que ce soit à travers un téléphone intelligent ou autre. C'est des sous-traitants, la Chine. C'est un faux ennemi. C'est même pas notre ennemi. C'est des employés. Il n'y en a pas de. À un moment donné, j'ai fait une vidéo, puis on voyait une horloge, puis là, il était minuit. Il n'y en a pas d'ennemi. C'est tout le même gouvernement. Mais c'est juste que on nous. C'est un peu comme dans 1984, qu'on nous dit, bon, il y a la guerre contre. En ce moment, c'est la guerre contre un tel, puis un tel. Puis là, ils demandent aux populations, faut appuyer. Mais dans le fond, c'est toute de l'illusion, c'est pas réel. Non, C'est du non, théâtre. ça je le sais, parce que derrière la Chine, on en avait déjà parlé, il y a l'Angleterre. La Chine avait été colonisée par l'Angleterre, puis ensuite la Chine fait entre autres du néocolonialisme en Afrique, en allant s'approprier les ports là, de plusieurs pays, puis aller construire des infrastructures là. Quand la Chine, elle va dans un pays africain puis qu'elle exploite les ressources pour ensuite, au niveau manufacturier, fabriquer des objets, c'est l'Occident qui est le principal client. C'est une façon de continuer de piller l'Afrique à travers la Chine. Mais c'est pas vu comme ça parce qu'on est conditionné pour considérer la Chine comme un compétiteur alors que c'est pas le cas. C'est simplement eux qui ont le mandat d'être manufacturier. Pour Donc, on continue de piller les c'est ressources, puis c'est la ça. Chine qui Puis les nous autres, on se transporte. donne bonne conscience en disant: Ah, c'est pas nous autres qui polluons, c'est la Chine, c'est eux autres les méchants C'est pollueurs. ça. Ben oui, c'est une façon. Et là, la quatrième révolution industrielle, dans le sens que on a juste changé les rôles un petit peu. Mais il reste que c'est les Occidentaux les premiers qui ont envoyé les manufactures dans le tiers-monde. Mais il reste qu'on reste les consommateurs pareils. Les pays en voie de développement sont en voie de développement dans le sens où leur rôle a changé, puis c'est devenu des intermédiaires, c'est tout. Mais il reste qu'au fond, il y a un seul gouvernement, c'est la finance internationale qui est un peu la banque, si on peut dire, de tout ça. Mais il reste que dans le fond, les gens qui gouvernent pour vrai, on les voit pas, on les connaît pas. Mais on peut les deviner en voyant. Je veux dire, t'as juste ça, on devine. Je veux dire, le magicien d'Oz, on ne le voit pas. On le voit pareil. On le voit par les résultats, par les actions. On les voit pas, ceux qui nous gouvernent, mais on voit la gouvernance. Je veux dire, ça, c'est la vue pour-dessus de tout le monde. Mais au fond, tout le reste, c'est tout du théâtre. Le but, c'est juste d'instrumentaliser la ressource humaine. Les gens, c'est de la ressource humaine. Puis, il reste que pour qu'ils accomplissent leur rôle, puis bon, il faut qu'ils soient conditionnés, il faut qu'ils soient. C'est des mises en condition. Mais tout le reste, c'est tout de l'illusion. C'est du théâtre. C'est les mêmes techniques qu'avant, mais c'est juste que là, c'est devenu généralisé. L'échiquier est plus large qu'il était parce qu'il n'y a plus vraiment de continent vierge. Et plus, mais c'est en train de se finaliser. C'est déjà là. Moi, je considère que, en tout cas, ça paraît là, que c'est du théâtre. C'est l'évidence même. Donc, on apprend que c'est comme là, on essaie de nous faire à croire que, par exemple, comme ce qui disait que bon, ça était lié à. Ça avait été créé par rapport à. C'était un accident, c'était d'origine naturelle, des pangolins puis des chauves-souris dans un marché, qui est un laboratoire P4 juste à côté. Mais là, en même temps, on nous dit que là, c'est une race de chiens que. Mais en même temps, t'as les services de renseignement américains qui officiellement disent que ça a été. Puis finalement, on apprend que ça a été financé des. Au fond, là, Ben, c'est les ça, Américains que ont je te dis, financé là. ça. Ben oui, c'est des sous-traitants, la C'est ça. Chine. Mais pour mettre les choses au clair, là, si la Chine sont des sous-traitants, est-ce que tu les vois comme étant les sous-traitants de l'Angleterre? Non, non, c'est de la finance internationale. L'Angleterre, c'est juste là où s'est formé le cerveau. Mais c'est mondial, c'est planétaire. L'idéologie, elle vient d'Angleterre. L'Université Oxford, l'Institut Tavistock, ces choses-là. L'idéologie, qui est eugéniste, c'est de l'eugénisme dans le fond. C'est-à-dire que on recrée une jungle d'une façon artificielle pour justement. Parce que c'est du monde qui a vraiment une vision, c'est darwiniste un petit peu. Mais l'idéologie, elle vient d'Angleterre. Mais il reste que, ils ont gagné leur guerre, ces idéologues-là. Aujourd'hui, ils n'ont plus de nationalité. Ça fait longtemps. Avant, le financier, bon, c'était par rapport à la Suisse, la Hollande, ces choses-là. Le côté idéologique, là, c'était plus les universités anglaises, puis bon. Mais aujourd'hui, là, on se leurre si on donne une nationalité à ça parce que c'est des transnationaux. Non, non, mais c'est des citoyens du monde.